82, c'est bon, putain. Allez, on change encore. Can you write the change? Ça veut dire quoi ça? A, ah ok. A, D, G, C, F. Me, I play. A, D. And C, E, E, E, E, comment on dit E, ou no, no F, A, Mi, Mi, majeur. Elle s'est les îles. autre nuit s'avance. Lorsque j'entends glisser ses colliers, un jour je bâtirai un empire avec nos instants de plaisir pour que plus jamais rien ne. This is a French song. It's not my lyric, the lyric of French singer. But I take the lyric. Okay, if you want to, thank you. If you want to play, you play keyboard? French song. You like French song. Thank you. c'est dur ça. Va bien.